السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم جميعا، أياكم الله، bienvenue encore une fois. On se retrouve par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer la série de cours sur l'explication du Coran de la partie de Juz Amma. Naam. Et nous sommes arrivés au cours numéro 9. Walhamdulillah. On est toujours dans la sourate At-Takwir, l'obscurcissement. Et on va finir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, cette sourate. Azima. طيب. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. الله سبحانه وتعالى dit dans la traduction approximative: non, je jure par les planètes qui gravitent. فلا أقسم بالخنس. نعم. طيب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure ici par les planètes qui gravitent. Et quand il dit fala ou qasim, bien évidemment ici il faut bien comprendre que le la ici c'est pas le la de négation dans la langue arabe, mais c'est d'affirmation justement, na'am, hein, qui montre la confirmation. طيب. Donc non, je jure par les planètes qui gravitent. Al-Khunnas. Allah subhanahu wa ta'ala ici jure par les planètes, c'est-à-dire les étoiles. Les étoiles qui gravitent. C'est-à-dire qui disparaissent le jour. Tu ne les vois pas le jour. Elles sont en retrait. Al-Khunnas, c'est le fait d'être en retrait. طيب. ثم قال الجوار الكنس qui court et disparaissent. Qui court et disparaissent. Naam. C'est-à-dire qui courent dans leurs orbites, car toute planète est dans son orbite. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate les Prophètes, verset 33. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Fin du verset. Donc ici, le verset donc, qui court et disparaissent, c'est-à-dire disparaissent le jour et apparaissent la nuit. Elles deviennent visibles la nuit et lumineux. Voilà la situation des étoiles. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, il jure par al-layl, والليل إذا عسعس. Par la nuit, quand elle survient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici jure par la nuit quand elle survient, c'est-à-dire qu'elle apparaît. Naam. Et par l'aube, quand elle exhale son souffle. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand elle exhale son souffle, quand les premières lueurs, les premiers signes apparaissent et que la lumière devient visible petit à petit jusqu'à qu'elle s'achève et que le soleil se lève. Cela fait partie des plus grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ses créatures pour montrer justement leur immensité et qu'elles sont parmi les plus grands signes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate La Lumière, verset 44, Allah fait alterner la nuit et le jour. Il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. Donc l'alternance du jour et de la nuit est parmi les signes les plus immenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il voulait, il assignerait la nuit permanente dans cette vie d'ici-bas, ainsi que le jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Le Récit, versets 71 et 72, dit « Que diriez-vous si Allah vous assignait la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une lumière? N'entendez-vous donc pas ?» Dit « Que diriez-vous si Allah vous assignait le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous reposeriez? N'observez-vous donc pas ?» Fin du verset. Cela fait partie des plus grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et des plus grands bienfaits sur ses serviteurs. Cela implique qu'on doit le remercier, na'am, et qu'on doit le louer pour cela, na'am. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la même sourate, dans le verset qui suit, les deux qu'on a cités auparavant, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de par sa miséricorde qu'il vous a assigné la nuit et le jour pour que vous vous reposiez et cherchiez de sa grâce et afin que vous soyez reconnaissants. Et afin que vous soyez reconnaissants. Donc il faut être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour. Car l'être humain, il oublie. Il oublie. Wallahu al-musta'an. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ses grands signes pour montrer la grandeur de la transmission du Coran. Pour montrer la grandeur de la transmission du Coran ainsi que sa noblesse. Et pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a protégé contre tout diable banni. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, Innahu la qawlu rasulin karim. Ceci est la parole d'un noble messager. Ceci, c'est-à-dire le Coran. Celui que les mécréants, les associateurs, les hypocrites démentent. C'est la parole d'un noble messager. C'est-à-dire, ici c'est Jibril alayhi salam. Mais la parole ici, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala réellement. Naam. Car c'est lui qui a parlé. En premier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril n'est qu'un messager qui est chargé de transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, donc le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala l'a transmis à Jibril alayhi salam. Et Jibril alayhi salam l'a transmis au messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui, par la suite, l'a transmis à sa communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous clarifie ici la chaîne de transmission du Coran. Tayyib. Comme on a dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Les Poètes, versets 192 à 194, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle, c'est-à-dire Jibril, est descendu avec cela sur ton cœur. Pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit Jibril comme étant noble. Comme étant noble. Pour ses nobles caractères et sa belle apparence. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset dans Surat An-Najm, l'étoile, verset 6, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle. Donc ici, le sens, comme disent les savants, c'est le bon et noble caractère et la belle apparence. Et Jibril alayhi salam est décrit comme tel. Il continue, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ذي قوة عند ذي العرش مكين, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une grande force. Il possède une grande force dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Comme Allah azza wa jalla a dit dans surat An-Najm, l'étoile, verset 5, que lui a enseigné Jibril à la force prodigieuse. Fin du verset. Donc il y a, et il a aussi, un rang élevé auprès du maître du trône. C'est-à-dire qu'il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'ange le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a le rang le plus élevé auprès d'Allah azza wa jal. Naam, car c'est le meilleur des anges. Il dit ensuite, Muta'in thamma amin. Obéit là-haut et digne de confiance. C'est-à-dire qu'il est obéi là-haut. Jibril alayhi salam est obéi dans les cieux les plus hauts. Les anges lui obéissent car c'est le chef des anges. Il a à sa disposition des soldats parmi les anges rapprochés qui appliquent ses ordres et obéissant à ses suggestions. Personne ne lui donne des ordres si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est digne de confiance dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de faire. Il ne rajoute rien, ne diminue rien. Il ne change rien et dépasse pas la limite qu'on lui a fixée. Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit comme digne de confiance et ceci prouve la noblesse du Coran auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'Allah azza wa jal a envoyé cet ange noble pour transmettre le Coran, cet ange qui est décrit par des caractéristiques parfaites. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné les mérites et les descriptions de son messager parmi les anges, qui est descendu avec le Coran, il mentionne, Allah subhanahu wa ta'ala, son messager parmi les humains, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, sur qui le Coran a été descendu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ma sahibukum bima janun. Votre compagnon n'est nullement fou. Votre compagnon n'est nullement fou. Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé en tant que compagnon pour eux. Il a dit votre compagnon. Hein? Pour les blâmer et les réprimander. Pour que le blâme et la réprimande soient plus intenses. Lorsqu'ils ont rejeté son appel. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait dit votre compagnon que vous connaissez. Car ils le connaissent. Hein, il a grandi parmi eux. Il est resté 40 ans auprès d'eux. Il est resté 40 ans auprès d'eux. À Mecca, avant la prophétie. Hein, ils connaissent sa véracité et sa confiance jusqu'à ce qu'il le nomme le confident. Donc votre compagnon n'est nullement fou. N'est nullement fou, comme l'ont dit ses ennemis qui ont traité de mensonge son message. Ceux qui lui ont attribué des paroles qu'il n'a pas dit. Ceux qui voulaient éteindre ce avec quoi il est venu, autant qu'il le voulait et pouvait. Mais bien au contraire, il est celui qui a la raison la plus complète. Celui qui a la vie le plus juste et le langage le plus véridique. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Il l'a effectivement vu au clair horizon. C'est-à-dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi sallam de façon claire à l'horizon. Il l'a vu sous sa forme réelle, comme il a été créé. Et cela à deux reprises, comme ils disent les savants. Une fois à la grotte de Hira, et une fois quand il a fait le voyage nocturne puis l'ascension. Hein, et il l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, qu'il avait 600 ailes qui couvraient l'horizon. Il avait 600 ailes qui couvraient l'horizon. Et Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit, au clair horizon dans ce verset, c'est-à-dire de façon claire. Et c'est la première fois qu'il l'a vu à Hira. Celle qui est mentionnée dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate l'Étoile, que lui a enseigné l'ange Jibril à la force prodigieuse, doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Donc ici, le sens de « Wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin » il l'a effectivement vu, c'est, on parle ici de « Al-Hira », à la grotte de Hira. Na'am. « Wa ma huwa ala al-ghaybi bidanin » Et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. C'est-à-dire qu'il ne peut être accusé de menteur ou de fou. Donc ce qu'il a informé parmi les choses invisibles, et dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, il ne peut être accusé d'avoir rajouté ou diminué ou d'avoir caché des choses, mais plutôt il est véridique, car il est le digne de confiance des gens des cieux et de la terre. Celui qui a transmis les messages de son Seigneur d'une transmission claire et manifeste et parfaite. Il n'a rien gardé par avarice dans cette transmission, ni ne concernant le riche et le pauvre, ni ne concernant le gouverneur et le gouverné, ni ne concernant l'homme et la femme, ni les gens de la ville et de la campagne. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé vers une communauté analphabète qui était dans l'ignorance totale, la plus grande. Et il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, en laissant derrière lui des grands savants et des érudits éveillés qui ont atteint l'apogée dans les sciences, qui ont atteint le summum dans les déductions les plus subtiles ainsi que les compréhensions. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis la révélation de façon parfaite et nous a laissé sur une voie claire. Sa nuit est comme son jour, ne s'écarte de cette voie que celui qui est en perdition, comme il est venu dans le hadith authentique. Naam. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le serment lors du pèlerinage d'adieu: ne vous ai-je pas transmis le message? Ne vous ai-je pas transmis le message? Oui, ont-ils répondu. Il dit ensuite à plusieurs reprises: ô Allah, sois-en témoin. Ô Allah, sois-en témoin. Naam. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et ceci n'est point la parole d'un diable banni. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la noblesse et la grandeur de son livre, ainsi que son mérite, en mentionnant les deux messagers nobles, ceux par l'intermédiaire de qui le Coran est parvenu aux gens, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait leurs éloges, il repousse tout défaut et tout manquement qui pourrait remettre en cause la véracité et l'authenticité du Coran. Il dit: et ceci n'est point la parole d'un diable banni. Ce Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas comme vous dites, ô vous les mécréants, les associateurs, ce n'est pas comme vous dites une révélation des diables lapidés, maudits. Ces diables qui ne peuvent le porter, car cela ne leur convient pas, et ils n'auraient pu le faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourat les Poètes, versets 210 à 212, et ce ne sont point les diables qui sont descendus avec ceci, c'est-à-dire le Coran. Cela ne leur convient pas et ils n'auraient pu le faire, car ils sont écartés de toute écoute. Naam. Fa ayna tadhhabun. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: où allez-vous donc? C'est-à-dire, Comment cela a pu vous traverser l'esprit? Où vos raisons? Où vos raisons sont-ils allées? Hein, où est-ce qu'ils sont allés dans le fait de traiter de mensonge le Coran, malgré sa clarté et son évidence, et malgré son éclaircissement qu'il est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun doute? Vous avez rendu la vérité, qui est le plus haut des degrés de la véracité, au niveau du mensonge, qui est de ce qu'il y a de plus bas et de plus vil parmi les faussetés. In huwa illa dhikrun lil alamin. Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers. Ceci, c'est-à-dire le Coran, n'est qu'un rappel pour toute l'humanité. Qui se rappelle pour ce Coran leur Seigneur? Afwan, qui se rappelle par ce Coran leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il a comme attribut parfait et ce dont il s'est exempté comme défaut et vit ses comparaisons? Il se rappelle à travers ce Coran les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et les interdits ainsi que leur jugement. Il se rappelle à travers ce Coran les jugements universels et religieux et de rétribution de façon générale. Il se rappelle à travers ce Coran les intérêts et les profits dans les deux demeures, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il se rappelle à travers ce Coran de tout cela et le mettre en pratique afin d'obtenir la réussite dans ce bas monde et l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ceci n'est qu'un rappel pour les Arabes ou pour seulement les gens de Mecca, mais plutôt pour tout l'univers parmi les djinns et les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate les prophètes, verset 107, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Et il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate le discernement, verset 1, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Naam. Donc ceci n'est qu'un rappel pour toute l'humanité. Liman sha minkum an yastaqim. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite, après avoir dit ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, c'est-à-dire celui qui veut la guider et la droiture, il se doit de suivre la vérité, ce Coran, et le mettre en pratique, car ce sera pour lui un salut, un sauvetage et une guidée. Et il n'y a pas d'autre guidée que ce noble Coran. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, après que le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, celui qui ne veut pas la guider, qu'il ne se rappelle pas à travers ce Coran, et qu'il ne tire pas profit, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Qaf, verset 37. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. Donc celui qui ne veut pas la guider, il ne pourra en aucun cas tirer profit de ce noble Coran. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, le Seigneur de l'univers. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, le Seigneur de l'univers. Et on avait parlé de cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné une volonté et un libre arbitre à l'être humain. Et cette volonté est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc il y a la confirmation que les êtres humains ont une volonté. Alhamdulillah. Naam. Et ceci est la croyance des gens de la vérité, les gens de la sunna et le consensus. Naam. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Nulle chose ne peut exister sans sa volonté. Ce qu'Allah veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Et ses actions sont connues d'Allah subhanahu wa ta'ala, déjà inscrites auprès de lui Il les a voulus et il les a créés. Et les versets sont nombreux à ce sujet. Pour celui d'entre vous qui veut suivre la droiture, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, le Seigneur des mondes, comme on a cité. Si Allah avait voulu, il ne serait pas entretué, mais Allah fait ce qu'il veut. Et il dit dans Sourate les Bestiaux, verset 137, si Allah avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Et il dit dans Sourate les Rangées, verset 96, et c'est Allah qui vous a créé, vous, et ce que vous faites. Donc nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis aussi en service de ses serviteurs un choix, une volonté et une force, de par lequel se produisent leurs actes. Et les preuves que le serviteur fait l'acte de son propre choix et par sa force sont nombreuses. Naam. Et il y a des sectes, parmi les sectes égarées, qui ont contredit la croyance des gens de la sunna. Il y a la secte, et c'est une réfutation justement ce verset, à la secte qu'on appelle des Jabriya. Al-Jabriya, qui affirme que le serviteur est contraint dans ses faits et gestes, qu'il n'a aucun acte propre ni choix, c'est-à-dire qu'il n'a pas de libre arbitre. Il est semblable à une plume qui se déplace au gré du vent, droite à gauche, sans détermination. Donc ceux-là sont appelés les Jabriya. Et en vérité, ce sont les extrémistes d'Al-Qadariya. Et c'est une réfutation aussi pour cette secte qui s'appelle Al-Qadariya. Ceux qui ont exagéré dans leur affirmation de l'existence d'un destin et ont de ce fait dépouillé le serviteur de toute volonté propre. Naam. Al-Qadariya, sont ceux qui rejettent le destin. Sont ceux qui rejettent le destin. Et qui disent que tout ce qui se produit dans le monde n'est pas décidé ni décrété par Allah subhanahu wa ta'ala, mais résulte des actes de serviteurs. Wal'iyadu billah. Sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait prédestiné auparavant. Donc ils ont certes rejeté un des piliers de la foi. La foi dans le destin bien ou mauvais provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Il y a beaucoup d'autres choses à dire à ce sujet. Inch'Allah ta'ala, on aura l'occasion d'en parler. Tayyib. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné une volonté à ses serviteurs, et cette volonté est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, le Seigneur de l'univers. Naam. Et on a fini, walhamdulillah, pour sourate At-Takwir, l'obscurcissement. Et demain, inshallah ta'ala, on commencera sourate Al-Infitar, la rupture. Naam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayran. Baraka fikum. Wa ahsana ilaykum. N'oubliez pas, inshallah ta'ala, ce soir, prochain cours. À 22h, heure française. Barakallahu fikum. Toujours le cours de notre frère Youssouf Abu Abdelrazak. Naam, sur les paraboles du Coran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.